Vous écoutez France Culture. La trop brève histoire de Marion Dufresne et des Maoris. 9 mai, 13 juillet 1772. De Delphine Morel. Deuxième épisode, Les jours tranquilles. Delphine arrive à Auckland, en Nouvelle-Zélande, sur les traces de son ancêtre, un marin qui a participé au voyage d'exploration de Marion Dufresne au XVIIIe siècle, dans le Pacifique. Elle emporte dans sa valise un pendentif maori rapporté par son ancêtre, ainsi que les journaux de l'expédition qu'elle a retrouvés. Le journal de Marion est perdu, mais ceux de ses lieutenants livrent un témoignage exceptionnel sur l'exploration du Pacifique et les premiers contacts avec ses habitants. En route vers Tahiti avec deux navires, le marquis de Castries et le Mascarin, Marion Dufresne a débarqué en avril 1772 en Nouvelle-Zélande, la terre des Maoris, pour reconstituer les réserves et réparer une mâture abîmée sur l'un des deux navires de l'expédition. Auckland, ma première expérience des antipodes. Le ciel découpe des carrés graphiques entre les immeubles. En attendant mon fish and chips, je déplie la carte de Nouvelle-Zélande. Deux grandes îles, l'île du Nord et l'île du Sud, très isolées dans le Pacifique. Je cherche sur la carte la baie des îles, qui est la région historique des premiers contacts entre les natifs et les Européens. Le capitaine Marion et son équipage y ont vécu plusieurs semaines au milieu des tribus maoris en 1772. Trois ans auparavant, en 1769, le capitaine anglais Cook avait débarqué dans la même région avec des naturalistes. Les Anglais et les Français rivalisent alors dans le Pacifique pour la conquête des dernières terres inconnues. Le serveur me pointe sur la carte la région de la baie des îles, en haut de l'île du Nord, à quelques heures de voiture d'Auckland. Lieutenant Second Ledez, 3 mai 1772. La côte est bordée d'une grande quantité d'îles qui forment des enfoncements. Nous avons vu une pirogue débordée de terre qui a fait route pour venir à bord du Mascarin. Quelque temps après, nous en avons vu trois autres. Les Zélandais qui sont dedans montent à bord. J'avoue que je suis plus surpris de leur hardiesse à venir à bord de nos vaisseaux qu'ils ne paraissent l'être eux-mêmes de nous voir. Aussi notre surprise redouble-t-elle lorsque, par plusieurs de leurs gestes, nous soupçonnons qu'ils connaissent les armes à feu. Ils sont bientôt aussi familiers avec nous que si nous les connaissions depuis longtemps, et prenant le premier venu pour les conduire, ils vont partout dans le bateau. Enseigne le vaisseau roux. D'autres pirogues sont venues très vite. Ils sont plus de 250. On prend la précaution de tenir des hommes armés sur la dunette, au cas où nos nouvelles connaissances voudraient entreprendre quelque chose, mais on fait cacher les armes. Quant à eux, ils n'ont aucune espèce d'arme. Ils apportent beaucoup de poissons ainsi que de très bonnes patates, et nous avons conclu qu'ils cultivent la terre. Capitaine en second Crozet. Nous admirons leur bonne constitution. Ils se prêtent avec complaisance à notre curiosité. À leur tour, ils regardent notre blancheur. Ils regardent sous nos vêtements pour voir si c'est la même couleur et ils restent en extase. Ils nous font une infinité de caresses dans lesquelles on aperçoit une espèce de férocité. Lieutenant Second Ledez. Après nous être épuisés en caresses, ne sachant plus que faire pour les amuser, un de nos officiers leur donne un air de violon. Nous les voyons ouvrir de grands yeux et écouter avec attention. Ils demandent le violon et sont émerveillés d'en tirer des sons. Après avoir entendu notre musique, ils veulent nous donner la leur. Pour cela, trois ou quatre nous font entendre des chants peu variés qui sortent de leur poitrine avec effort. Ils s'accompagnent de gestes qui ont quelque chose de menaçant. Ils s'animent et leur agitation devient très violente. Capitaine en second Crozet. Je remarque un vieillard qui est resté dans la pirogue. Il est couvert d'un manteau fort bien fait dans lequel sont entrelacés artistiquement de longs poils de bête. Cet homme a l'air fier et plus distingué que les autres. Le respect que les autres lui témoignent me fait penser qu'il est un de leurs chefs. Je l'engage à monter à bord. Il fait des difficultés, mais comme il paraît avoir envie de l'habit écarlate que je porte, il me fait signe de lui donner en troc de son manteau. Je lui fais signe de monter à bord. Il monte et je tiens parole. Enseigne de vaisseau, roue. Le chef se met à visiter le bateau. Il semble ne pas comprendre la propriété des canons. Comme c'est l'heure de dîner, Marion le met à table ainsi qu'un autre chef. Ils mangent tout ce qu'on leur présente, sauf la viande salée qu'ils rejettent. Pour le vin, ils ne veulent pas en boire. Ils boivent de l'eau avec plaisir. On leur présente du vin blanc qu'ils boivent croyant que c'est de l'eau. Ils le rejettent en faisant signe que l'eau est préférable. On leur demande s'il y en a à terre. Ils font oui pour signifier qu'il y en a beaucoup et qu'on peut se baigner dedans. Leurs camarades restés dans la pirogue viennent les rejoindre. Monsieur Marion et chaque officier en adoptent un, qu'ils habillent. Malgré la satisfaction et la facilité avec laquelle ils se prêtent à la métamorphose, leur embarras nous amuse beaucoup. Étant restés 2 heures à bord, ils réembarquent avec une certaine gaieté, emportant avec eux un cochon et une poule. Leur premier soin à bord de la pirogue est de se dépouiller de nos vêtements et de reprendre leur pagne. Déjà 3 jours que je suis à Auckland, et à la différence de l'équipage Marion, je n'ai pas rencontré un seul Maori. Mais qui est Maori aujourd'hui? Celui qui apprend le Maori alors que la langue avait presque disparu avec la colonisation? Celui qui respecte les rituels en retournant à sa terre natale pour les funérailles? Beaucoup de questions, mais pas de réponses. Et le sentiment que l'identité Maori est un sujet très, très sensible. Dans le centre d'Auckland, une grande affiche publicitaire est déployée sur la façade d'une banque. Un homme musclé aux cheveux noirs pose pour une marque de sport. Il a les fesses et les cuisses tatouées de volutes géométriques. Il a repris le moko, le tatouage traditionnel qui avait, comme la langue, presque disparu au début du XXe siècle. L'effet visuel est saisissant. Enseigne de vaisseau aux roues, 5 mai 1772. Nous avons examiné les figures qui sont imprimées sur leur visage, sur leurs cuisses et en différents endroits de leur corps. Ils ont essayé de nous faire comprendre par signes la façon dont ils font ces marques. Ils se font ces dessins avec des petits outils d'os bien pointus. Ils mettent dans les piqûres le lait d'une herbe qui nous est inconnue. Cette marque bleue ne peut plus s'effacer. Lieutenant second Ledez. Les Zélandais ont le visage agréable, quoique défiguré par plusieurs dessins bizarres dont ils se plaisent à leur nez. Les uns ont le nez ciselé avec beaucoup d'art, et non moins de douleur, car ce sont autant de petites cicatrices noires dont la continuation forme plusieurs figures suivant leur goût ou leur distinction. The next stop is Wellesley Street. Je me rends au cabinet du tatoueur Derek, un Tamoko practitioner dont la réputation est établie à Auckland. Derek ne fait aucun effort pour être aimable. Il me recommande la lecture de Momoko, un livre sur le tatouage, et me conseille d'aller à Roturua, un village maori reconstitué. Je tiens ferme, mon voyage n'est pas touristique. Un de mes ancêtres a vécu avec les Maoris en 1772, il a participé à l'expédition Marion Dufresne. Quand les Français ont débarqué en Nouvelle-Zélande, ils ont été saisis d'admiration ou d'effroi à la vue des tatouages. L'un des hommes de Marion a noté que seuls les hommes considérés étaient tatoués sur le visage et sur le corps. Beaucoup n'avaient aucune marque. Je dis à Derek que les Européens en arrivant n'ont pas compris la valeur du moko, qu'ils ont considéré cette pratique comme décorative et que toute une partie de la signification leur a échappé. Derek se détend un peu. Le tamoko est la marque de notre honneur indigène. Porter l'encre bleue est un privilège qui exprime le prestige et le mana de nos ancêtres. Cette forme artistique remonte au romoko. Ro évoque la terre à façonner, toutes ces eaux qui sortent de la terre et la sculptent, et la lave aussi. La scarification de la terre est la marque de la terre et la marque de ses habitants. Nous avons une pratique qui remonte à très loin dans l'histoire. La sculpture sur peau est unique aux Maori. Des hommes s'y sont engagés totalement, dans un espace qui s'est isolé du reste de la Polynésie. La peau doit être retirée. Elle est incisée. Le type d'outil et d'incision que nous pratiquions, cela devient comme de la sculpture sur bois, de la sculpture sur peau. Le reflet des arbres était l'effet qu'ils cherchaient à obtenir sur les êtres humains. Ce qu'on peut dire, c'est que cela vient de la terre, le tatouage de la terre. Il y a chez Derek, accroché dans son cabinet, une vieille photo du 19e siècle, le portrait d'un homme au visage sculpté. La peau est pour ainsi dire gravée. Derek me dit que la sculpture sur peau produisait des tatouages impossibles à réaliser aujourd'hui avec les aiguilles électriques. Ces anciens tatouages sont très loin de ce qu'on peut faire avec les aiguilles électriques. Ils sont magnifiques, stupéfiants. Ils vous rappellent qui nous étions, ce qui nous est arrivé et dans quelle direction nous devrions aller. Nous devions supporter la douleur. C'est la différence. Il y a une grande quantité de douleur impliquée. Mais l'esprit est d'une nature indigène. Il est prêt à recevoir le moko et à développer cette pratique artistique à ce niveau. Quand le capitaine Cook est arrivé en 1769, c'est ce qu'il a célébré. Ce n'est pas seulement des moko du visage. Cela peut être sur tout le corps. Derek n'en dira pas plus. Le moko est une affaire privée qui concerne l'individu et sa relation avec les ancêtres. Il me donne pourtant le téléphone d'un certain Kingi, un chef Nakpui, féru d'histoire, qui accepte de recevoir les Occidentaux. Les Nakpui sont une des premières tribus de la baie des îles à avoir échangé avec les Européens, et ils ont accueilli des hommes de Marion dans leur village. Je m'étonne que Derek connaisse aussi bien l'histoire des premiers contacts. Pour un Maori, me répond Derek, le passé est devant et l'avenir est derrière. Le passé est devant et l'avenir est derrière. La visite chez Derek a ébranlé ma motivation. Qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Et si cet ancêtre dont j'ignore tout, même le nom, n'était jamais venu en Nouvelle-Zélande? Et si la dent de cachalot avait été achetée sur le port de Dieppe à un baleinier? La dent s'est révélée jusqu'ici plutôt encombrante et pour la première fois, j'envisage vraiment de m'en séparer. Cette pensée me libère d'un coup. Enseigne de vaisseau au roux. 12 mai 1772. Le soir, nous allumons plusieurs feux pour que les canots nous rejoignent. Un des canots a trouvé un enfoncement considérable dans lequel les vaisseaux seront à l'abri du mauvais temps. Le lendemain, un Zélandois qui a dormi à bord nous sert de guide. Il nous montre les endroits où on peut faire de l'eau et nous rend de petits services. Enseigne de vaisseau Chevillard de Montaison. 15 mai 1772. Nous rentrons à petite voile dans cet enfoncement pour chercher un mouillage avantageux. Nous montons nos tentes sur une île où il y a une rivière assez forte pour fournir de l'eau à nos deux vaisseaux. Nous nommons cette île l'île Marion. Le 13 mai, nous débarquons nos malades, qui sont en grand nombre, surtout des scorbutiques. Outre le dispensaire, nous établissons sur l'île un corps de garde et une forge. Enseigne de vaisseau roux. 23 mai 1772. Après bien des déconvenues, un naturel nous mène à un endroit où il y a des arbres longs dont ils tirent leurs belles pirogues. Nous trouvons des arbres aussi beaux qu'il nous a promis. C'est une espèce de sapin, tant par la forme que par la qualité, produisant une térébenthine odoriférante. Nous y avons trouvé de quoi réparer d'un seul arbre nos vaisseaux. Garde de la marine du Clemmer. 29 mai 1772. Je n'exagère pas en disant avoir vu des arbres de plus de 90 pieds de long, sans branches et sans nœuds. Le 28 mai, je m'y suis transporté avec la majeure partie de l'équipage du Castries. Monsieur Marion a rendu visite à l'établissement de Mature. Les chemins sont si mauvais pour s'y rendre qu'en arrivant, il a décidé d'y coucher. Nous nous baraquons avec des branches d'arbres et faisons grand feu pendant la nuit. Lieutenant second Ledez, deux arbres ont été marqués. L'un de 65 pieds pour le mât de misaine et l'autre de 45 pieds pour le beaupré. Ce sera l'affaire d'au moins 3 semaines que de les traîner l'espace d'une demi-lieue par un chemin pénible. Je poursuis la lecture des journaux. Roux et Ledez me deviennent peu à peu familiers. Roux aime l'action, alors que Ledez a une vraie sensibilité d'observateur. Ils apprécient le capitaine Marion, à qui tous semblent reconnaître des qualités de marin et de chef. Marion a défini une ligne de conduite envers les habitants. Si on traite les natifs avec bonté, ils ne chercheront jamais à nous faire de mal. Ces lieutenants reprennent cette consigne à plusieurs reprises dans leurs journaux, comme pour mieux s'en convaincre. Lieutenant Second Ledez, 30 mai 1772. Plus nous vivons avec les Zélandais, plus nous les trouvons doux et sociables. Nous passons beaucoup de temps ensemble. Nous allons dans les villages, parfois seuls et désarmés, et les Maoris nous montrent le gibier. Partout où nous nous rencontrons, ce sont de nouvelles preuves d'amitié. C'est à qui nous portera sur ses épaules pour nous faire passer une rivière. Lorsque nous allons dans les villages, ils nous ouvrent leurs cases, nous font voir les fortifications. Les jeunes gens nous accablent de caresses, au point que même quelquefois nous ne savons pas trop jusqu'où ils pourraient les pousser. Plusieurs se sont attachés à nous et nous font entendre qu'ils veulent nous suivre quand nous partirons. Capitaine en second, Crozet. Beaucoup de canots viennent avec des femmes et des enfants. Ils viennent désarmés et avec une grande confiance. Ils crient « Taro », le nom qu'ils donnent à nos biscuits. Nous leur en donnons de petites quantités car ils ont si bon appétit qu'ils consommeraient toutes nos provisions. Dès qu'ils obtiennent une pièce en fer, ils la portent à un marin en lui demandant de l'aiguiser à la meule. Les femmes mariées se distinguent par une sorte de barrette qui leur maintient les cheveux en haut de la tête. Les filles ont les cheveux qui tombent sur leur cou. Ils nous ont enseigné ces distinctions et nous ont fait comprendre que nous ne devons pas toucher aux femmes mariées. La facilité avec laquelle les filles se laissent approcher explique que nous n'avons jamais d'histoire sur ce sujet avec eux. J'ai pris rendez-vous au musée d'Auckland pour faire donation de la dent de cachalot. Rhonda vient me chercher à l'accueil. C'est une belle femme maori qui porte un haitiki autour du cou, cette petite créature en jade si particulière, moitié homme, moitié animal. Elle m'observe silencieusement dans l'ascenseur. Dans son bureau, Rhonda examine la dent. Elle lui paraît ancienne et les techniques de perforation d'origine. Rhonda me dit que les Maoris ne chassaient pas la baleine, mais que parfois des baleines s'échouaient sur la grève et ils en tiraient des ressources. C'est pourquoi ce type de pendentif taillé dans une dent de cachalot, le Reinio Parawa, est assez rare avant les premiers contacts. J'accompagne Rhonda dans les réserves. Elle se lave les mains à l'entrée pour se purifier, me dit-elle. Tous les objets conservés ici sont des tongas, des trésors qui viennent des ancêtres et qui établissent des passerelles entre le monde des vivants et le monde des morts. Elle tire un grand tiroir dans lequel sont conservés quelques pendentifs similaires aux miens. Certains sont même sculptés. Le marché des objets océaniens a connu un boom gigantesque au XIXe siècle. Et mon pendentif peut être un original rapporté par mon ancêtre, comme une copie de l'époque où la chasse à la baleine est devenue une activité lucrative. Mais de toute façon, c'est un objet ancien. De retour dans son bureau, elle me donne un contrat et me propose de réfléchir. À titre personnel, elle appuie ma démarche. Les Maoris sont engagés depuis plusieurs années dans une politique de rapatriement des trésors. Ces trésors sont vivants et ils continuent d'inspirer les jeunes artistes qui viennent les étudier dans les collections. Juin 1772. Chaque jour, j'accompagne M. Marion dans différents endroits, ce qui nous donne l'occasion de chasser. Le gibier est en abondance, surtout la caille. M. Marion aime beaucoup se promener. Il aime aussi aller à la pêche et se rend souvent dans une anse qui est au bas du village du chef Takuri. Nous y mangeons d'excellentes huîtres qui sont en grande quantité dans cet endroit. C'est la grande joie de Marion de vivre parmi les sauvages. Quand ils sont à bord, la chambre du conseil en est pleine. Il les caresse et avec l'aide du vocabulaire, il essaie de se faire comprendre. Il les couvre de cadeaux. De leur côté, ils reconnaissent parfaitement que Marion est le chef des deux bateaux. Ils savent qu'il aime le turbot et ils lui en apportent de très beaux. Nous introduisons chez eux des choses qui leur sont totalement inconnues. Nous apportons différentes espèces comme le maïs, le riz, le blé, l'orge, les noyaux de différents fruits, des moutons et des cabris, des cochons, une quantité considérable de pioches, de haches, d'herminettes et autres outils, des marmites de fer. Mais jusqu'à présent, les Zélandais se sont bien passés de toutes ces choses sans être ni moins riches ni moins heureux. Qu'est-ce qui motive l'attitude de Marion vis-à-vis des habitants de Nouvelle-Zélande ? Ne leur faites aucun mal et en retour, ils ne vous feront que du bien. Marion a connaissance des idées de Rousseau et il veut les mettre à l'épreuve. L'homme serait naturellement bon et ce sont les institutions qui le corrompent. Pour Rousseau, il existe des sociétés à l'état de nature dans lesquelles l'homme vit heureux et dont les richesses lui épargnent le travail. C'est le fer et le blé qui auraient corrompu l'homme moderne en créant la propriété. Marion cherche sans doute à témoigner de l'existence de ces bons sauvages et de la clairvoyance de M. Rousseau. Roux, lui, ne partage pas les préconceptions de Marion sur les Zélandais. Il se fie davantage à ses déplacements sur le terrain. Enseigne de vaisseau Roux. Juin 1772. Je suis allé chasser seul quelques cailles. Après avoir marché une heure, j'aperçois une sorte de gorge dans laquelle deux naturels se battent. Je crois d'abord qu'ils s'exercent, car très souvent je me suis amusé à les regarder lancer des flèches. Je rentre dans le bois pour jouir du plaisir de les voir à mon aise. Ils montrent une agilité extrême. Je les vois jeter réciproquement leurs armes et tirer de leur ceinture un casse-tête. Aussitôt, ils s'élancent avec fureur à la rencontre l'un de l'autre et se manquent. Ils reviennent à la charge et alors je vais vers eux, mais trop tard. Un des deux a le crâne emporté par le casse-tête de l'adversaire et tombe mort. Le vainqueur est si surpris de me voir qu'il prend la fuite. J'examine la victime et je vois qu'il a la tête coupée au ras des yeux comme un coup de sabre. Les naturels se battent en duel avec beaucoup de bravoure. Ce que j'ai vu dans ma course m'a donné à réfléchir sur ces naturels et ne fait que me confirmer dans l'idée que j'ai d'eux depuis longtemps. Chaque village a son chef qui jouit d'une autorité pleine sur ses sujets. Ces chefs m'ont paru très indépendants les uns des autres. Ces peuples sont souvent en guerre. Je le juge par la façon dont leurs villages sont fortifiés et par plusieurs que nous avons trouvés abandonnés ou détruits. Ils sont toujours situés sur une petite montagne ou sur une pointe qui avance sur la mer. Maintes fois, je leur ai demandé pourquoi ils se font si souvent la guerre, mais je n'ai jamais compris la raison qu'ils me donnent. Un peuple qui paraît aussi courageux ne peut être que très entreprenant. Il est essentiel de se tenir sur ses gardes. C'était la trop brève histoire de Marion Dufresne et des Maoris. 9 mai, 13 juillet 1772. De Delphine Morel. Deuxième épisode, Les jours tranquilles. Une émission proposée par Emmanuel Chevrière. Avec Delphine Morel, la narratrice. Gérard Boucarou, capitaine en second Crozet. Laurent Cléry, enseigne de vaisseau Chevillard de Montaison. Bruno Paviot, enseigne de vaisseau Roux. François Hatt, garde de la marine du Clémeur. Nicolas Raka, lieutenant Lodez. Le témoignage, en Nouvelle-Zélande, de Derek Lardelli, tatoueur de Moko, et les voix de Marina Moncade, Emmanuel Lemille. Assistance technique et montage, Pierre Henry. Prise de son et mixage, Pierrick Charles. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Les extraits de journaux de bord de l'équipage du Marquis de Castries et du Mascarin sont issus des Archives nationales de France, des Archives de la famille Bougainville et des Archives nationales de Tasmanie.